Ouais. Ah. Un G-son, laisse couler l'instru, laisse couler l'instru. On va faire une petite pause. On a assez rappé comme ça, hein. On va un peu parler de cette musique, de ce mouvement, le rap français. Enfin, je vais te raconter un peu ma life, t'as vu? Pourquoi je rappe? Ou plutôt, je vais te citer quelques groupes qui m'ont donné envie de rapper, qui m'ont donné envie d'écrire. Il y en a tellement, il y en a tellement que... Je m'excuse d'avance pour ceux que je vais oublier, t'as vu, mais... Ouais, c'est une sorte de petit hommage que je leur rends aujourd'hui, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours quelques groupes, quelques rappeurs qui me font kiffer, mais je vais pas les citer. Sinon, on va me coller l'étiquette de susbeat, hein, mentalité française de mes couilles. Voilà, donc je vais vous citer tous ces groupes qui m'ont fait baigner dans cette musique. Il y en a certains qui sont encore présents, d'autres... Peut-être aussi, mais qu'on entend beaucoup moins, mais bon. Voilà, c'est... Il y a eu quoi? Il y a eu Afrojazz. Afrojazz avec Afrocalypse, Perle Noire. Lunatique, Mauvais Oeil. Arsenic et son Quelques Gouttes Suffisent. IAM, La Clica, Conçu Pour Durer, Sléo. Je Lance Les Dés, Le Feu, tous ces morceaux-là. Eh, vous êtes passés où, les mecs? Faites-nous signe, hein. Diable Rouge du côté de Sergi. LSO, avec le morceau L'Impasse, tu te rappelles? Les Sages Poètes de la Rue. Le premier album, l'un des premiers albums qui m'a fait bander, excusez-moi du terme. Qu'est-ce qui fait marcher les sages? Putain de merde. Fab, Express D, Oxmo Puccino, hein, Opéra Puccino, le classique. Mauvaise Langue, Deux Balles de Nègre avec l'album Trois Fois Plus Efficace, hein, Le Ménage à Trois, Doc Moins Un, Monsieur R. Lioness, Les Trois Coups, tout ça, tu vois. Démocrate D, ATK, Idéal J, Le Combat Continue. NTM, comment oublier NTM, hein. Voilà. Voilà, comme dit Fix et PKR, Le Combat Continue. Et toutes les compiles qu'on a eues, les compiles de Néochrome, de l'époque, les mixtapes de Doncha, Bustaflex, Diabus System, tout ça, des gros improvisateurs, putain. M Group, l'Escadrille, la Brigade, Assassin. Timide et sans complexe, Esquive, Narcisse, hein, NAP de Strasbourg, Mafia Tressée, La Funky Family, L'Est du Neuf, les mixtapes de Logilo, les cassettes de Cut Killer, les Posca, putain, les morceaux comme 11-30 contre les lois racistes, tu te rappelles, 16-30 contre la censure, tout ça, putain, franchement, la BO de Ma Cité Va Craquer, Ministère Amer. Ouais, tout à l'heure, je vous ai dit que je citerai pas de rappeur actuel, mais je vais quand même en citer un. Youssoufa qui m'a mis une claque avec son dernier morceau, Menace de Mort. Big up à lui, Youss. Je vais m'arrêter là parce que je vais jamais m'en sortir, sinon il y a tellement de choses qui m'ont fait kiffer dans ce biz. Un big up à vous tous, à tous ceux qui ont connu ces groupes, qui ont aimé ou qui aiment toujours, parce que je le répète, un grand nombre d'entre eux sont encore là. On va pas les enterrer de sitôt, hein. Voilà, un big up à mes gars aussi, mes gars directs qui kiffent cette musique, hein, Monsieur X, Fix, Bobby, Cru, Marco, FEY, DIN, Sheikh Ahmed, Black D, les PM, les Leïla de Strasbourg, je t'oublie pas. T'as cette musique en toi et ça se ressent. Chekis, Caro, Brutal, Dynamo. Voilà, big up à tous ceux qui aiment, qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront cette musique. En fait, les mecs, j'ai quand même oublié de citer un groupe, un très grand groupe du rap français, les X-Men. Les X-Men, en plus je raconte ma vie sur leur instru depuis tout à l'heure. Il est casse, hein, Retour aux Pyramides, qui au passage est, je pense, l'un de mes morceaux préférés rap français, si ce n'est mon préféré. Et tiens, pour la peine, je vais faire un truc qui se fait très rarement dans le rap français ou dans le rap tout court, pour ne pas dire jamais. On prétend aimer, respecter notre musique et... Ben vous savez ce que je vais faire? À l'instar des morceaux variétés françaises et tout, ben je vais tout simplement refaire le morceau des X-Men Retour aux Pyramides. Ben voilà. Parce que ça c'est... C'est même plus un classique, c'est... Vas-y, Ingé, remets l'instru.